pas parti ben loin, je reviendrai dans le coin. Parce que j'ai le goût de juste crisser mon camp de la maison. Que je prendrai pas le goût de revenir m'évader dans pas trop long. Laisser mes problèmes pis mes motherfucking down de même. J'ai besoin de revenir, je te vois après mon combat. La vie c'est pas facile chez moi, il faut faire avec. Je suis des bras, j'ai le cœur qui shake. La popote en brouillotte, je me transforme tranquillement en homme de gage et plus pantoute d'échec. Faut pas que tu lâches. Ton temps, faut pas que tu le gâches à pleurer pour les niaiseries. Puis encore une fois, je me morfonds dans ma peine, puis le reste, je l'oublie. J'aurais besoin d'une femme, tu sais, qui pourrait m'étinceler ma flamme, qui pourrait me remonter quand mes pilules brisent mes bonnes cellules. Peut-être pas celle qui me rend au point d'être dépressif, mais je serais quand même beaucoup plus attentif, puis c'est très affirmatif. Je suis abusif des produits, je l'admets, mais je suis pas du tout agressif. Je montrerais bien encore plus ma manière de penser, mais en tout cas, pas sur Facebook parce que je suis pas trop actif. Je vous dis en pleine face, promis, je reviendrai. Merci d'avoir été attentif, ou plutôt auditif. Et oui, je reviendrai.